بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le cinquième hadith. Al-hadith al-khamis. Al-hadith al-khamis. Qui est celui de Aïcha, Umm al-Mu'minin, radiyallahu anha. Qui est un hadith qui peut être jumelé avec le premier qui était Innamal a'malu binniyat. En ce qui concerne la validité des actions. Cela va venir dans l'explication du Shir, Hafizallahu Ta'ala. Toujours est-il que ce hadith vient pour compléter le premier dans ce qui touche à l'acceptation des actions auprès d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et comme nous l'avons dit, les actions pour le musulman requièrent deux conditions. La première qui est l'ikhlas, la sincérité, et la deuxième qui est al-mutaba, le suivi de l'enseignement prophétique, qui est le sujet de ce hadith. Naam. Et le shir, lui, comme vous l'entendrez par la suite, a rajouté une troisième condition qui elle englobe tout être humain. Et inshallah, cela va être stipulé dans le dirs. Fanabda'u inshallah. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddathana Ya'qub, haddathana Ibrahim ibn Sa'd. عن أبيه عن القاسم عن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. La première version qui est متفق عليه selon Aïcha qu'elle aurait dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, alors cela est rejeté. » Ouna ahdatha, le fi'al ahdatha qui veut dire apporter une chose nouvelle. En vrai, innover, souvent on voit par le verbe ibtada'a, yabtadi'u, le fait de faire une bid'a. Ou ahdatha aussi. Ahdatha, c'est apporter une chose nouvelle. Et l'autre version qui est celui qui œuvre ou qui commet un acte n'étant pas sur notre affaire, hein, là c'est pas Ahdatha, celui qui commet une action n'étant pas sur notre affaire, c'est-à-dire la religion, notre enseignement, alors il est rejeté. D'ailleurs, cet acte est rejeté. Le shir commence en disant ونبه النووي رحمه الله تعالى في شرحه للصحيح المسلم على أن الرواية الثانية يحتج بها على أهل الأهواء. Donc النووي رحمه الله تعالى dit dans son explication de صحيح المسلم que la deuxième version du hadith qui est hein, laquelle من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, celui qui commet une action ou un acte n'étant pas de notre affaire, celui-ci est rejeté. Il parle de cette version-là. Il dit, قال, donc cette version-là est un argument contre les gens des passions. Contre les gens des passions. Pourquoi ? Il va l'expliquer. قال, قد يقول بعض أهل الأهواء ما أحدث هذا العمل أنا أحدث فلان من المتقدمين من الدلال. أنا عملت به وأحدثه غيري. قال فيحتج عليه بالرواية الثانية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحدثته أنت أو غيرك. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une personne parmi les gens des passions dise ce n'est pas moi qui est le premier à avoir fait cette action-là. C'est-à-dire avoir innové, comme on dirait. أحدث. Juste, c'est un tel. C'est simplement un tel qui l'a fait. Parmi les anciens, parmi les gens de l'égarement, moi, je l'ai œuvré, mais ce n'est pas moi le premier à l'avoir fait. Car il pourrait dire, quand le hadith, quand on dit man ahdatha, c'est celui qui fait quelque chose en premier lieu. D'accord ? En arabe, ça paraît comme ça. En français, ça paraît pas trop, mais c'est ça le sens de ahdatha. C'est celui qui vient avec une chose sans précédent. le premier qui la propage. Donc lui, il va dire quoi? Il va dire non, ce n'est pas moi qui les propage en premier. Moi, je n'ai fait que suivre. Donc ce hadith ne s'applique pas sur moi. Donc de là, on prend la deuxième version du hadith qui est celui qui œuvre d'une chose ne faisant pas partie de l'autre affaire, celle-ci est rejetée. Donc là, maintenant, cette version-là, elle ferme les portes à quiconque voudrait apporter une chose nouvelle en religion, qu'il soit le premier ou le suiveur, lui, cette version-là ferme toutes les portes et ne lui donne aucun argument. Donc il dit, Tayyib. Donc cette personne-là, parmi les gens des passions qui diraient cette parole-là, ce n'est pas moi le premier à l'avoir propagé, juste un tel, moi je ne fais que le suivre. On argumente sur lui par ce hadith, par cette version, qui est Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Que tu sois le premier à l'avoir fait ou autre que toi. Peu importe, le jugement est le même. Que tu sois le premier ou le deuxième ou le troisième ou le quatrième, il n'y a pas de différence. Ton action est rejetée. Et de là, cela aide à réfuter une personne, donc je n'ai pas envie de citer le nom, qui a osé dire une parole énorme en disant que le mubtadir, l'innovateur, c'est juste le premier qui commence l'innovation. Mais les autres qui le suivent ne sont pas appelés innovateurs. Wal'iyadhu billah. Donc ce hadith vient pour faire taire cette personne ayant parlé sans science, ou peut-être avec science, mais ayant peut-être une mauvaise intention derrière cette parole-là de vouloir tromper les gens. Allah alam. Toujours est-il que il a osé dire que l'innovateur n'est que le premier qui prône l'innovation, tandis que ceux qui le suivent derrière ne sont que des suiveurs et ne reçoivent pas le jugement d'innovateur. Et cette parole-là, bien sûr, est complètement fausse, et le Sahih le prouve, et bien d'autres encore. Naam. Donc Shir Hafizullah reprend en disant هذا الحديث يعتبر اصلا عظيما في معرفه البدع. Que ce hadith est considéré comme un fondement essentiel dans la connaissance des innovations. وغيرها من الاحكام التي ستاتي الاشاره اليها. Et également pour connaître les règles dont l'indication va suivre, car d'autres rites vont être cités se basant eux-mêmes sur ce hadith. وحديث عائشه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وابتغاء التأويل. Et dans le hadith que Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens que ceux qui ont une mallette dans le cœur, ils cherchent les versets, c'est-à-dire équivoques, qui se ressemblent, en vue de provoquer la fitna. Et en vue de chercher leur interprétation. Vous voyez, en vue de chercher leur interprétation, mais fausse. Les gens qui ont le cœur malade, car il y a des versets comme Akhul Ta'ala, وَمِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ وَنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَخَالُوا مُتَشَابِهَاتٌ. Dans le verset précédent, Allah dit que dans ce livre, il y a des versets qui sont finis, clairs, et d'autres sont à équivoque. Et les gens qui ont une maladie dans le cœur cherchent justement ces versets-là à équivoque pour pouvoir tromper ou troubler les gens. Donc de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Donc il dit, si jamais vous voyez ceux qui cherchent justement ces versets équivoques, ces choses à équivoque, alors sachez qu'ils sont ceux-là que Allah a nommés dans son livre. Donc prenez garde d'eux. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour donner un signe élémentaire afin de pouvoir distinguer les gens des passions. Ce sont ceux qui cherchent des choses à équivoque. Et on le voit souvent, mes frères et sœurs, du fait que des fois, même chez les savants qui émettent des fatwas marginales, on va dire, un savant a fait un ijtihad sur un sujet et autorise une chose qui ne l'est pas à la base, avec des preuves claires. Vous allez voir des gens chercher ce genre de fatwa. Les fatwas justement qui déimènent toujours sont marginales, s'opposent aux choses connues et qui amènent à des actions étranges. On dira comme ça, étranges. Hein? Des choses étranges. Par exemple ici au Yémen, il y a une drogue qui s'appelle le qat, que ceux qui viendront au Yémen verront. C'est une herbe qui se mâche. Vous les voyez, les yéménites, à partir de Vor jusqu'au soir, ils ont la bouche pleine, une grosse boule dans la bouche. C'est une herbe qu'ils mangent, qu'ils mâchent, et qui provoque un effet sur leur raison. Cette drogue est de différents degrés. Il y en a qui ont atteint un niveau très fort, et d'autres qui sont plutôt faibles. Ça dépend de la valeur de la drogue en elle-même. Hein? Le sujet n'est pas de parler du coth en soi, là, de faire un exposé sur le coth, juste pour dire qu'en fait, c'est une chose ici, on va dire, allez, 90% de la population est atteinte par ce mal. Vous allez voir au Yémen, tous, il est rahimallah, mangent du coth. Quand on parle avec eux, et qu'on leur explique que cela est haram et cela n'est pas permis, beaucoup acceptent, alhamdoulilah. Ils ont une humilité en eux, que l'on trouve chez les yéménites, que l'on voit rarement chez les gens, beaucoup acceptent et reconnaissent. Et d'autres ont plus de mal, car ils sont accrochés à cette drogue, ils en sont accros comme on dit. Et parmi les choses qu'ils prennent comme argument afin de pouvoir manger cette drogue, cette herbe, ils disent, l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala, il en prenait aussi. Donc regardez, qu'est-ce qu'il cherche là? Toi, tu lui donnes des preuves que cela est interdit. Pourquoi? Car il y a des effets néfastes sur la santé, que cela est du gaspillage d'argent, et que cela également amène à une certaine dépendance de cette substance, qui est le coth. D'ailleurs, en France, c'est interdit. Hein, elle est considérée comme drogue dure. En France, c'est interdit. Quand tu lui expliques ça, hein, avec des preuves et même des choses tirées de la raison, lui, il va faire quoi? Il va te chercher un savant, un imam reconnu de la Sunna, bien qu'il ait eu quelques erreurs dans le ta'wil et sifat, l'interprétation des attributs, pour dire, regarde, un tel qui était un exemple pour nous, il en prenait. Donc comment? Si c'était interdit, lui, il l'aurait pas fait. Eh bien là, ça amène à quoi? À chercher des choses équivoques. Parmi eux, certains sont ignorants, ne savent pas. Et d'autres savent très bien ce qu'ils font. Ils savent que ce qu'ils font, c'est haram, ils n'ont pas d'argument, et pour pouvoir justifier et argumenter leur action, ils se servent de l'acte d'un savant, d'une personne pieuse, alors que l'erreur, elle est claire et flagrante, pour pouvoir tromper les gens. Donc de là, eux, ils se servent de quoi? De l'imam Shawkani pour pouvoir justifier leur action du fait qu'ils prennent cette drogue. En disant, si l'imam Shawkani l'a fait, et qu'il connaît, alors, Inch'Allah, on peut le faire, il n'y a pas de mal. Donc ça, c'est un peu vouloir chercher les équivoques. Chercher les choses à équivoque. On pourrait citer plein d'exemples sur le sujet, mais je te la suffis, Inch'Allah. Non. Donc vous voyez les gens justement qui ont le cœur malade chercher des choses marginales à droite à gauche pour pouvoir justifier leur action. Hein? Chir un tel l'a dit, ou il y a une divergence sur le sujet, ou ceci ou cela, ou ceci ou cela. Donc le chir reprend en disant. Donc il s'agit là d'un fondement. Hein, un fondement essentiel pour connaître les gens des innovations. فحديث عائشة الذي في باب أصل في معرفة البدع وحديثه الذي في تفسير الآية أصل في معرفة البدع. Donc il dit que ce hadith de Aïcha, hein, man amila amalan sadi amruna fa warad, ce hadith, c'est un fondement essentiel pour connaître les innovations, l'acte, l'action. D'accord? L'action. Et que le deuxième hadith rapporté où le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est un fondement essentiel pour connaître les gens de l'innovation. Le premier fait distinguer l'acte, et le deuxième fait distinguer la personne qui applique cet acte. والذي يرى كلام أهل العلم على هذا الحديث يتعجب مما يبنون عليه من الأحكام. Et celui qui médite bien sur ce hadith serait subjugué de voir de quelle façon les gens de science arrivent à en déduire des règles. Le nombre de règles, une phrase aussi courte, hein, aussi courte et aussi brève, ils arrivent à en déduire un nombre de règles considérables. ومن المسائل وقبل هذا يجب أن يعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين. Donc avant tout cela, il faut savoir que la bid'a, l'innovation, se divise de deux catégories, de deux sortes. بدعة لغوية وبدعة في الشرع. C'est la bid'a, l'innovation dans le on va dire le sens linguistique, hein, le sens dans la langue arabe, et la bid'a dans la législation. Les deux sont différentes. فالبدعة اللغوية ما كانت في أمور الدنيا. Donc la bid'a, l'innovation dans le sens linguistique, c'est ce qui touche aux choses matérielles de la dunya, de ce bas monde. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. Que vous êtes plus savants en ce qui concerne vos affaires mondaines. C'était quand lorsque des Sahaba ont voulu faire pousser un palmier qui donnait des dates avariées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour leur donner une astuce comment réussir à améliorer la situation. Ils ont appliqué ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit comme conseil. Cependant, les résultats ne sont pas apparus. Ils lui ont dit. Et lui leur a dit quoi ? Je ne suis qu'un homme comme vous. Genre, en fait, ce qu'il veut faire comprendre, c'est ce qu'il leur a dit là, c'est une chose qui ne touche pas à la révélation, qui ne touche pas à la législation. Donc, vous êtes plus savant de ce genre de choses, vous. Par exemple, celui qui aura une certaine science dans, on va dire, l'art du jardinage, hein, pourra avoir plus de science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce point-là qui touche aux affaires mondaines. Non, c'est ce qu'il a voulu faire comprendre. Donc, de là, il n'y a pas de mal à venir avec des nouvelles méthodes. Ce qu'on appellerait innovation également. Hein, on pourrait appeler ça innovation. Cependant, cette innovation-là n'est pas blâmable. Celle-ci est permise, autorisée, à ce qui touche les choses mondaines, qui n'a pas de lien avec la religion. Ou al-bid'a fi shal. La deuxième, c'est la bid'a dans la législation. Hiya kama yakul al-Shatibi rahimahullah ta'ala tariqatun mukhtara'un fi ad-din yuqsadu bi sulukiha at-ta'abbud. Donc la bid'a dans la législation, c'est comme l'a défini l'imam al-Shatibi rahimahullah ta'ala, il dit que c'est une méthode inventée dans la religion en vue d'adoration. Vous voyez, qu'elle est appliquée en vue d'adoration. Donc celle-ci touche à la religion. C'est celle-là qui est concernée par le hadith, qui est interdite. Le fait de vouloir apporter une chose nouvelle en guise d'adoration pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseignée et que ses compagnons n'ont pas appliquée, aucun d'entre eux, ni les salafs. Waqila fi ta'lifiha, il a également été dit dans sa définition, c'est-à-dire la définition de la bid'a dans la législation, fi shara. C'est ce qui a été inventé sans précédent par laquelle est voulu, hein, par laquelle est voulu l'adoration. Une chose inventée sans précédent par laquelle est voulu le côté de l'adoration. Et qui n'est basé sur aucune preuve du livre et de la sunna. Ça, c'est la deuxième définition. Donc, on répète la première qui est celle de Shatibi. Tariqatun murtala'atun fi ad-din yuqsadu bi sulukiha at-ta'abbud. Hein, qui est une voie inventée dans la religion qui est empruntée en vue d'adoration. Et la deuxième, hiya ma uhditha 'ala ghayri misal sabiqin wa yuradu biha at-ta'abbud wa laysa 'alayha dalilun min al-kitabi wa as-sunnah. Qui est une chose également on va dire inventée sans précédent, par laquelle est voulu l'adoration, n'étant basée sur aucune preuve du livre ni de la sunna. Hein, des fois en français, hein, le sens il est pareil, il est similaire, mais en arabe, des fois les mots diffèrent. Hein, un petit mot peut apporter une différence. Comme on a dit, ibtada'a wa ahdatha peuvent avoir des connotations différentes. Les arabophones, inch'Allah, arrivent mieux à cerner. Le plus important, c'est que vous ayez compris globalement le sens de la chose voulue. Non. Wa qad zammaha al-Qur'an wa as-sunnah. Qui est donc Allah dans le Coran a bien blâmé ainsi que de la sunna cette chose là, ce qui est la bid'a, le fait de faire une chose nouvelle en religion, car il dit dans le sens relatif et rapproché, ceux qui ont pris le veau seront atteints par une colère de leur seigneur et un avilissement en ce bas monde, et c'est ainsi que nous rétribuons, on va dire, les forgeurs de mensonges, ceux qui inventent des choses, hein. فالمبتدعاتون le shir dit فالمبتدعاتو مفترون, que les innovateurs sont des forgeurs de mensonges, ils inventent des choses, hein. Iftara yaftari, c'est un verbe en arabe qui veut dire forger quelque chose, inventer quelque chose, et souvent il est appliqué sur le mensonge, inventer des paroles. Fulal muftari, et ça peut être un menteur, car le mensonge est une chose inventée dans le sens que tu es une chose qui n'est pas vraie, tu dis une parole qui n'est pas vraie. Donc le muftari, c'est un forgeur. Il forge des mensonges, des paroles fausses, des choses fausses. Non. Wa yattahimuna din Allah bil taqsir. Donc l'innovateur ose accuser la religion d'Allah comme étant réduite. Hein, l'innovateur, son innovation implique que lui voit que la religion d'Allah est réduite. Il y a un manque. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul: "Alla wa inna kulla bid'atin dalala." N'est-ce pas que toute innovation est un égarement? Hein? Toute innovation est égarement. Min hadith Jabir wa ja bi nahwihi min hadith al-Irbad bi ziyada wa kullu dalalatin fi an-nar. Et également le hadith cité précédemment, c'est un hadith rapporté par Jabir. Et un autre est venu dans le sens approximatif, un sens similaire, où il dirait que toute innovation est égarement, et dans l'autre hadith, que tout égarement est au feu. Tout égarement est au feu. فَالَّذِي طيب il faut arrêter où فَالَّذِي يُقَسِّمُ الْبِدْعَةَ إِلَى حَسَنَةٍ وَسَيَّةٍ مَعَنَّهُ دَلِيلْ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ بل تقسيمه هذا متعارض مع الحديث المذكور كل بدعة ضلالة. Donc il dit que celui qui ose diviser la bid'a en bonne et mauvaise, c'est-à-dire hasana, bid'a hasana ou bid'a sayya, bonne invention ou bonne on va dire innovation et mauvaise innovation, celui qui vient avec cette différence, lui n'a aucune preuve pour baser cet ordre, on va dire, ce taksim, cette division. Il n'a aucune preuve pour émettre cette division dans la bid'a. Disons même que cette division s'oppose au hadith cité précédemment, qui est « Kul bid'atin dalala » que toute innovation est également. « Fakul » le mot « kul », le kef et le lem, « min alfaz al-umum » sont parmi les termes généraux qui englobent en masse. Quand on dit par exemple kullu shay, ça veut dire toute chose. Le mot kull veut dire tout. Et tant qu'il n'y a pas une autre preuve spécifique qui vient sortir une chose faisant exception à la règle, alors quand on emploie le mot kull, cela englobe toute chose. Donc là, quand il a dit kull bid'a dalala, toute innovation est égarement. Et tout égarement est au feu. Donc là, il n'y a pas d'exception. Donc il n'y a pas de bid'a hasana, ni de bid'a sayya. Tout est au même niveau. فَكُلُوا بِدَاتِينَ فِي الدِّينَ دَلَالَ. Donc toute innovation en religion est également. وَالْإِحْدَثْ طيب, إِحْدَثْ c'est le masdar du verbe أَحْدَثَ, comme on a pris أَحْدَثَ يُحْدِثُ, le fait de faire une chose nouvelle. C'est quoi l'إِحْدَثْ en arabe? تَشْرِيعْ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهِ. C'est le fait de rendre légiférer une chose que Allah n'a pas autorisée. طيب, الإحدث, ça a un sens proche et synonyme de ibtada'a, qui est le fait de légiférer une chose que Allah n'a pas autorisée. Quand Allah Ta'ala, am lahum shuraka'u shala'u lahum min ad-din ma lam ya'zam billah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses que Allah n'a pas autorisées? Telle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens. Et là on voit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé comment? Que la bid'a a une part de shirk. Il a dit quoi? Amlahum shuraka'u. Ont-ils des associés? C'est-à-dire ceux qui viennent avec l'innovation, comme on dit, ont une part dans le shirk. Et notre shir, Hafizallahu Ta'ala, est interrogé là-dessus, il dit que non, la bid'a a une part de shirk. On va pas dire que le mubtadi' c'est un mushrik. Mais il y a une passerelle entre les deux. Pourquoi? Car celui-là, quelqu'un, un mubtadi' qui veut une nouvelle chose, à la base, qui c'est qui amène la législation? Qui amène la loi? Qui amène les rites? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose qui lui revient. Inna al-hukma lillah. Le jugement ne revient qu'à Allah. Et lui, il vient avec une chose nouvelle dans la religion d'Allah. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il a une part de shirk, comme s'il se mettait à un stade lui permettant d'apporter dans la religion d'Allah comme lui la voit. Donc là, il y a une part dans le shirk. Il faut faire attention à ça. La bid'a est très dangereuse. Et il est connu que la bid'a est plus aimé auprès de Shaitan que la marsiya. Que l'innovation est plus aimée auprès de Shaitan que la désobéissance. Comme cela est connu. Pourquoi? Parce que la bid'a, le moutadir, l'innovateur, fait une chose et se voit comme étant sur la vérité. Et cela touche à la religion. Ça veut dire que cela amène à changer la religion. Comme cela est arrivé pour les chrétiens, les Nasara, aujourd'hui ils ont changé leur livre. À cause de quoi? De plein d'innovations qui ont été faites. Aujourd'hui, leur religion n'est plus ce qu'elle était. Même leur livre a été altéré, modifié, comme vous le savez. Et bien la bid'a amène à quoi? À altérer la religion. À en sortir ce qui en fait partie, et à y rentrer ce qui n'en est pas, ce qui n'en fait pas partie. Donc de là, Shaitan, il aime ça. C'est quoi son but, Shaitan? D'égarer les gens. Hein, de détruire la religion. Donc lui, il voit que le moutadir, pour lui, est préféré auprès de lui que, on va dire, le désobéissant. Car le désobéissant, c'est qui fait un acte de désobéissance. Celui qui boit l'alcool, c'est que l'alcool, c'est haram. Il le sait, à la base. Donc il se peut qu'il se repente. C'est une faiblesse dans sa foi. Alors que l'innovateur, lui, fait un acte interdit en le rentrant dans la religion, en se disant que Allah aime cela et qu'il se rapproche d'Allah par cet acte. Donc cela est pire. Hein? Cela est pire. Quand même. Donc le shir dit en poursuivant en disant « Fassunnatu wahiyun yuha » Donc la sunna est une révélation inspirée. Et nous l'avons dit dans le verse précédent, hein, que la sunna est de deux catégories. À la base, la sunna est, en majeure partie, nous l'avions dit, révélation. En majeure partie, révélation. Mais une partie de la sunna qui provient d'un ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une chose qu'il fait de lui-même, et ensuite, soit celle-ci est conforme à la révélation que Allah lui apporte, en affirmant que son acte est valide ou est correct, ou soit cela sera une erreur, et Allah subhanahu wa ta'ala viendra directement pour rectifier cette erreur et montrer ce qui est la réalité de la chose. Nous l'avions déjà expliqué, hein, que la sunna, ala qismain, elle est de deux catégories, soit tawqifiyya, ou soit tawfiqiyya. Moi j'avais dit ijtihadiyya. Je m'étais trompé, on va dire c'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt on va dire un mot différent. Le vrai mot c'est tawfiqiyya. Que tawqifiyya, tawqifiyya avec un kaf, tawqifiyya, c'est celle qui est venue de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui est venue par une révélation, par le Coran. Hein. Et la tawfiqiyya, qui vient de tawfiq, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis une chose de lui-même, qu'il a vu comme étant bonne, et de là, il se peut qu'il ait eu raison, et il se peut qu'il ait eu tort. S'il a raison, Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il a eu raison. Donc la révélation rentre dedans, mais elle vient après. Après l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si jamais il a eu tort, il s'est trompé sur la chose, alors Allah corrige directement, vous voyez, la chose, et montre le côté réel, et à l'appliquer. Donc là, c'est tawfiq. Quand on dit à quelqu'un, t'as eu le tawfiq, c'est-à-dire tu as eu la réussite, le succès dans ce que tu as fait. Allah t'a accordé le succès dans ce que tu as fait. Hein, tu as eu raison. Et quand on dit, t'as pas eu de tawfiq, bah, t'as eu tort. C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce que tu as fait, ne t'a pas accordé le succès, tu t'es trompé. Il est même arrivé que comme cela est arrivé avec Omar, radiallahu anhu, que lui-même a eu raison avant que le Coran ne soit révélé sur plusieurs points. Je crois que c'est arrivé trois fois, si je me rappelle bien, trois fois. Là, je ne l'ai plus vraiment en tête. Qu'il a émis un avis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme pour le hijab, ou comme pour le fait de tuer les prisonniers à Badr. Et le troisième, je ne sais plus c'était quoi. Hein, qu'il a eu raison avant que la révélation ne vienne, et ben il a eu le tawfiq. Qu'il a parlé d'une chose, et c'est lui qui a eu raison, et le Coran est venu pour affirmer que la parole de Omar était la bonne. Naam. Radiallahu anhu. Donc, il dit, la sunna est une révélation inspirée. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَى إِلَيْهِ وَحْيٌ يُوحَى. Hein? Et par l'étoile et son déclin, votre compagnon ne s'est certes égaré, ni n'a été induit en erreur. Il ne prononce pas sous l'effet de la passion, il ne s'agit de là que d'une révélation inspirée. On vous dit quoi? Que la sunna est révélation? Quand même, avec le détaillé qui a été cité précédemment. Donc la sunna est révélation. La sunna est révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadat tawqifiyya. Donc là, on revient au mot tawqif. Tawqif, c'est-à-dire les ibadats, les adorations sont des actes qui s'arrêtent à un décret divin. L'adoration, c'est celle qui a été émise par Allah subhanahu wa ta'ala et révélée à son prophète. On n'adore pas Allah par notre tête. On ne vient pas avec un acte d'adoration par notre tête. On se dit aujourd'hui, tiens, je vais faire une adoration que personne n'a fait auparavant. Allah, il va aimer cela. Mon but en cela est de me rapprocher d'Allah, donc je vais le faire. Non, l'adoration, tu dois avoir un dalil à la preuve. Et ce hadith que nous prenons aujourd'hui en est la preuve. Que l'adoration est basée sur l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, qu'aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Hein? Ou plutôt, j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé pour vous mon bienfait, et que j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc là, la religion, comme il dit, elle est complète. La religion est complète, il n'y a rien à y ajouter. Donc de là, comme on disait au début du cours, que l'innovateur est une personne qui, lui, qu'il s'en rende compte ou non, voit comme le fait que la religion a un manque, donc il apporte un plus. Une chose que le prophète n'a pas fait, il voit qu'elle est bonne, il va la faire en plus. Donc nous avons dit que al-ibada tawqifiyya, hein, que l'adoration s'arrête à un décret divin. Hein, un décret divin qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihayn anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Que dans le sahihayn, yani Bukhari ou Muslim, ce hadith viendra également dans Arba'in Nawawi, ce hadith là que je vais lire viendra avec son explication qui lui sera propre. Il dit que ceux d'avant vous n'ont péri que du fait qu'ils posaient trop de questions, hein, et pour leur divergence avec leurs messagers, leurs prophètes. Que leurs prophètes venaient avec des choses et eux ils divergeaient. Le prophète leur disait fais ça et lui voulait rajouter des choses. Leur prophète leur disait ne fais pas ça et lui voulait quand même le faire. Cela amenait à quoi? À leur perte. Hein? Ce qui prouve quoi? Que celui qui sort du suivi de du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est voué à la perte. Donc, quand Allah ta'ala, alam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab yutla alayhim. Que Allah, dans le sens, il dit, ne leur a-t-il pas suffi que nous ayons fait descendre sur toi le livre qui est resté sur eux? C'est-à-dire que quoi? Le livre leur suffit. Le livre qui est resté sur eux, c'est-à-dire nous, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hommes de sa génération et celle d'après, que ce livre leur suffit. Ce livre leur suffit, il n'y a rien à ajouter. وثبت من حديث العرباد نسارية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتهم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, je vous ai laissé sur une voie claire de jour comme de nuit et ne s'en écarte, c'est-à-dire n'en dévie qu'une personne vouée à la perte. Et ce hadith lui-même est clair. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré ce qui a été clair. Hein? Ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Ce qu'il y a à éviter, il faut le délaisser. Il nous a tout enseigné. Il n'y a rien à rajouter. Et là, on parle de ce qui touche encore à la religion, bien entendu. Donc, la religion, elle est claire. Hein? Elle est claire. Des fois, c'est vrai qu'il y a des sujets qui peuvent paraître un peu obscurs ou compliqués. Des sujets précis dans le fiqh. Dans des sujets, on va dire... Ne touchons pas, on va dire, aux bases essentielles de la religion, pouvant faire sortir de la religion... ou pouvant faire sortir de la sunna, certains sujets peuvent paraître compliqués, hein, lorsqu'on n'a pas vraiment étudié. Là, on parle quoi? De la base de la religion en elle-même, elle est claire. Hein, la sunna est claire. Personne ne s'en dévie, à part celui qui est voué à la perte. Naam. Ensuite, le shir poursuit en disant, « Hakadha qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-bidar muhlika. » Hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les innovations détruisent, amènent à la perte. Hein, amène à la perte. وَالثَلَاثَةُ الَّذِينَ جَاءُوا إِلَى أَبْيَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي فَكَلِمَةُ لَيْسَ مِنَّا. طيب, on va s'arrêter là. Il dit, donc, comme le hadith qui a été rapporté par Aïcha, que trois hommes sont venus à la demeure du prophète صلى الله عليه وسلم pour interroger quant à ses actes d'adoration, comment il était. Hein? Et repartir en disant, l'un d'entre eux dit, moi je jeûnerai et je n'omperai jamais. Je serai en jeûne constamment. L'autre dit, moi, je ne me marierai pas avec les femmes. Je resterai célibataire. Et l'autre disait, moi, je vais accomplir Qiyam al-Layl, je prierai toute la nuit et je ne dormirai pas. Donc, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut mis au courant des paroles de ces hommes, il dit quoi? Il dit, moi je jeûne et je romps. C'est-à-dire, je ne suis pas en jeûne constamment. Hein? Chaque chose à juste dose, à juste mesure. Donc, il faut jeûner, mais il faut aussi manger. Il faut rompre. Il ne faut pas être constamment en jeûne. Car même cela, comme il est connu, au point de vue médical, cela aura des torts. Celui qui ne mange jamais, il va tomber. Il n'aura pas de force. Également, celui qui a dit « Moi, je ne me marie jamais », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Moi, je me marie avec les femmes ». Et d'ailleurs, il s'est marié avec 9 femmes, 11, parmi elles, certaines ont été des servantes ou autres. Il est connu qu'il aimait beaucoup les femmes. Il aimait le miel et les femmes. C'était connu de lui. Il a dit « Moi, je me marie avec les femmes ». Et le troisième qui avait dit quoi ?« Moi, je me lève la nuit, je me laverai toute la nuit et je ne dormirai plus. Je ferai la salade toute la nuit ». Alors le prophète s'est dit quoi ?« Moi, je me lève la nuit et je dors aussi ». Pour dire qu'il ne faut pas exagérer dans les actes d'adoration. Il ne faut pas exagérer, car ces gens-là, ces actes-là, hein, celui qui les applique, va amener à quoi ? À en faire plus que le prophète qui est le plus dévot des hommes. On ne pourra pas faire plus que lui. Donc s'il lui dit « Ne fais pas ça, reste tempéré dans tes adorations, pour ne pas tomber dans quoi ?» Justement dans l'innovation, comme par exemple les soufis l'ont fait. Les soufis, eux, ils ont exagéré dans les actes d'adoration pour se faire passer comme des gens dévots. Hein ? Faire des choses démesuré en religion. Non. Donc, de là, il a dit quoi ? Man rariba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma tradition ne fait pas partie de moi. Donc, il ne faut pas en faire plus que lui. Chacun fait en mesure de ses capacités en adoration. Non. Mais en faire plus que lui, cela n'est pas possible. Et celui qui fait plus que lui risque de tomber dans quoi ? Dans l'égarement, justement. Car le prophète nous a appris quoi ? La limite à ne pas dépasser. نعم فكلمات ليس منا تبقى على الوعيد الا ولها معنيان. Donc le fait de dire ne fait pas partie de nous, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne fait pas partie de nous, hein, cela amène et démontre qu'il y a une menace qui plane au-dessus de la personne. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit un tel ne fait pas partie de nous ou ni de moi, cela amène quoi? Qu'il plane sous la menace d'un châtiment. Et cette parole-là a deux sens. Vous voyez ? Elle est peut-être prise dans deux sens. In kana fi haq al-kuffar falisu ala millatihi wa hum kuffar. Donc si jamais ces gens-là, yani quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela ne font pas partie de nous ou de moi, s'il s'agit des kuffars, cela veut dire quoi ? Qu'ils ne sont pas dans notre religion. Que ces gens-là ne sont pas dans notre religion. Wa in kana في حق المبتدعة الدلال فليس منا يعني على غير طريقتنا. Et quand lorsqu'il dit cela en ce qui concerne les mubtadi'a, les innovateurs, hum laysu minna, qui ne sont pas de nous, hein, ou qu'il n'est pas de, ou atteint n'est pas de moi, le sens voulu par là c'est qu'il n'est pas sur ma voie, sur ma sunna. Également, il est sous la menace. L'innovateur est sous la menace. Donc comme on dit laysa minna peut vouloir dire deux choses. Soit cela concerne les koufars, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de notre religion, ou soit cela peut toucher les innovateurs qui ne sont pas sur notre voie, hein, la voie de la sunna. Wa jumhur al-ulama ala anna al-mubtadi' fi ad-dunya yastahiqu al-ihana wal-izlal wal-tawbih wa bayan sabilihi wa fi al-akhirah ta'at al-mashi'a ma lam yakun bid'atuhu mukaffira. Donc les gens de science, c'est-à-dire ce n'est pas ijma, hein, c'est pas unanime, on va dire l'ensemble, la majeure partie des gens de science, voient que le mubtadi', l'innovateur, en ce bas monde, mérite d'être rabaissé, d'être humilié, d'accord, d'être réprimandé, et que sa voie égarée doit être éclaircie aux gens, il doit être dévoilé, et que en ce bas monde, il est sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire, soit il sera châtié, ou est-ce qu'Allah lui pardonne. Mais l'apparent des textes amène qu'il est sous la menace. D'accord? Il est sous la menace. Mais nous, en tant qu'être humain ici, en ce bas monde, on ne peut pas dire, toi, l'innovateur, tu vas être au feu, tu vas être puni. Non. Mais on va dire, attention, tu es sous la menace d'un châtiment pour ce que tu fais. Et cela, tant que ça, son innovation, ne rend pas mécréant. Car l'innovation, dans notre contexte, est de deux catégories également. Le mukaffira ou le mufassika. Il y a l'innovation qui fait sortir de la religion, par exemple comme le fait d'invoquer les morts ou de tourner autour des tombes. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et celui qui fait ça rentre dans la définition prise au début du cours, qu'il fait cela en vue d'adoration. Hein ? Celui qui invoque un mort, par exemple, qui lui demande des choses, qui dit « Oh, demande, intercède auprès d'Allah pour moi », qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une chose sans précédent. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné. Et son but est de quoi ? D'avoir l'intercession, donc de se rapprocher d'Allah. Mais cependant, il s'agit là du shirk, car l'invocation ne revient qu'à Allah. C'est une adoration stricte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette innovation-là, c'est une innovation, elle s'appelle bid'a, et elle est mukaffira, elle rend mécréant. Celui qui fait ça, sort de l'islam. Et il y a al-mufassika, celle qui rend pervers, comme les autres innovations. Comme le fait, par exemple, de fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'applique et qui l'a fait, alors qu'on lui a prouvé que cela est un égarement et qui insiste et perdure dessus, lui, c'est un innovateur fasiq. Cette innovation-là ne le sort pas de l'islam, cependant, il sera considéré comme une personne mauvaise pour ce qu'il aura accompli comme acte. Naam. Donc on dit, وَالْمُبْتَدِعَةُ يُتْرَدُونَ مِنِ الْحُوضِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي غَيْلِهِمَا الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا فِي الشَّرْحِ اللَّامِيَةِ يقال سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ وَبَدَّلَ. Donc le Mubtadi' sera rejeté du bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Comme vous le savez, il y aura un bassin gigantesque dont les récipients pour boire sont au nombre des étoiles, dont la blancheur est comme celle du lait et le côté onctueux sucré comme celui du miel. Il sera ce bassin réservé aux suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et viendront des gens qui tenteront de boire à ce bassin et seront rejetés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Ummati, ummati », c'est-à-dire ces gens-là sont de ma communauté. Il sera dit « Innaka la tadri ma ahdathu bardak », tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Sorkan, sorkan, liman baddala wa ghayyir », que soit éloigné. Sorkan, sorkan pour dire « bourden, bourden », qu'il soit loin, qu'il soit éloigné. Éloigné celui qui aura changé et remplacé, c'est-à-dire dans la religion, qui aura innové. Donc là, il s'agit de quoi ? D'une menace également. Que celui qui aura innové n'aura pas le droit de boire de ce bassin. Jumlat ahadis allati hada fi hada al-bab annahum yuzaduna 'an al-hud 'an hud an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lima hasala minhum min tabdil wa taghyir fi ad-dunya. Donc ces ahadis prouvent que celui qui aura changé en religion sera rejeté du bassin. C'est-à-dire qu'aura changé en religion dans ce bas monde sera rejeté de ce bassin. والنهي يقتضي الفساد هذا وقول الجمهور او جمهور الصحابه رضوان الله عليهم لهذا الاصل. Donc là il dit une parole qui est النهي يقتضي الفساد, que l'interdiction implique l'altération de l'acte. Il s'agit là d'une règle parmi les règles majeures, des règles majeures dans le fiqh sur lesquelles se basent d'autres règles, d'autres rites. Et parmi elles, cette règle-là qui est al-nahi yaqtadi al-fasad, que l'interdiction d'une chose implique son altération. Si tu fais une chose interdite, cela amène à ce qu'elle soit altérée, qu'elle soit rejetée, annulée, non acceptée. Et ça, c'est la parole de l'ensemble des gens de science. C'est pas unanime, mais l'ensemble des gens de science, la majeure partie, voit cela. Pas des gens de science, je veux dire des sahaba, afouane. Des sahaba, des compagnons, ils voient cela. Que c'est un fondement. وَأَنْتَ تَرَاهُمْ أَيْضًا يَبْنُونَ أَحْكَامًا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَكُلُّ مَا خَالَفَ الشَّلْعَ مِنَ الْبُيُوعِ وَالشِّرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّهَارَةِ أَوْ الصَّلَاةِ أَوْ الصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا سَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَكَمُوا عَلَى الطَّلَاقِ. طيب, on va s'arrêter là également. Donc, on dit que les gens de science, les sahaba, comme nous l'avons dit au début du cours, on bâtit un bien grand nombre de règles par rapport à ce hadith. Comme nous avons dit, ce hadith est un asl. Comme nous l'avons dit dans l'un des cours, c'est comme un tronc avec des branches. Et ces branches-là, elles-mêmes se divisent par la suite en d'autres branches plus petites. Donc ce hadith, lui, c'est comme un tronc. Et il se base dessus plusieurs règles. Plusieurs règles qui elles-mêmes se divisent en d'autres règles. Ainsi de suite. Donc toute personne qui aura contredit la législation en ce qui touche aux règles de vente ou d'achat, ou de mariage, ou de purification, dans la salate, ou dans le jeûne, ou autre que cela, on prend comme preuve ce hadith pour dire que leur acte peut être rejeté, peut être invalide. Mathalen, le shir dit, « وَحَكَمُوا عَلَى طَلَاقِ الرَّجُلِ لِمْرَأَتِهِ وَيَحَائِدْ أَنَّهُ مَا يُنْفَضْ قَالُوا لِيَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَوَرَدْ. Donc il dit par exemple que celui qui divorce sa femme alors qu'elle est en période de menstrue, que ce divorce n'est pas accepté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Hein? Ça, je vais expliquer ce que ça veut dire. Hada talakun bid'i. Donc il s'agit là d'un divorce innové. Il a été nommé comme cela. Talak bid'i. Hein? Un divorce innové. Wa mardoud. Lawla anna hadith ibn Omar qad nassa ala annaha husibat 'ala at-tatliqa. Wa umira an yuraji' zawjatahu. طيب ولم تحسب طيب ولو لم تحسب عليه لما امر ان يراجعها. Pourquoi? طيب pourquoi nous parlons de ce talak bid'i, ce divorce innové? Car il est venu un hadith rapporté par Muslim que Ibn Omar radi Allahu anhu a divorcé de sa femme alors qu'elle était en période de menstrues. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Omar, radiallahu anhu, est parti interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de cela. Est-ce que cela se fait? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, a dit à Omar, ordonne-le qu'il la récupère, yuraji'a. Voilà, raj'a, en fait, raj'a, c'est un terme qui vient lors d'un divorce. Lorsque tu divorces, comme on sait, le divorce peut avoir lieu, on va dire, deux fois, avec récupération, et le troisième, c'est le définitif. Donc lui il a dit quoi? Récupère-la, dans le sens que, en fait, le divorce a eu lieu. Cependant, qu'il la récupère, d'accord? Qu'il la récupère, sa femme. Qu'il attende qu'elle se purifie, c'est-à-dire que ses règles se terminent, sa période de menstrues se termine. Ensuite, qu'il laisse une période jusqu'à la nouvelle menstrue, durant laquelle il ne la touche pas. Il ne la touche pas, hein, il n'a pas de relation avec elle. De relation sexuelle, on va dire, pas d'accouplement avec elle. Ensuite, qu'elle ait à nouveau des menstrues, et après cette période de menstrues, la deuxième, là, il choisit. Soit il la garde, ou soit il la délaisse. Et le fait, justement, de pouvoir divorcer une femme en période de menstrues, cela a été considéré comme étant un talak bid'i, mani ou anhu. Cela est interdit, et c'est une façon de faire innover. Cependant, le divorce a lieu. C'est ça qu'il faut faire attention. Des gens, eux, des gens de science, en se basant sur le hadith de Aïcha, sur lequel nous sommes actuellement, disent non, si c'est un bid'i, hein, il n'est pas accepté. Cependant, le hadith là, le Nabi sallam dit, murhu faliurajiha, ordonne-le qu'il la récupère. Et en arabe, dans la science dans le fiqh, raj'a, c'est un terme qui vient pour lorsqu'un talaq il a eu lieu. Donc ce hadith prouve que le talaq, le divorce, a été effectif. Cependant, il y a un péché commis et il est quand même considéré comme étant innové. C'est une façon de faire innover. Yanni, j'ai pas envie de m'étaler non plus avec vous sur ce sujet-là car c'est encore un chapitre qui mérite maintes explications. Juste pour faire comprendre que la divergence qui a lieu par rapport à ce talaq, bid'i, car des gens de science sont basés sur le hadith de Aïcha pour dire que non, s'il est bid'i, c'est une bid'a, ce talak est bid'a, donc il n'est pas accepté. C'est-à-dire la femme reste la femme de l'homme et le talak n'est pas pris en considération. Cependant, le hadith lui-même stipule que si, divorce est effectif. Non. Donc le shir dit, si seulement ce n'avait pas été ce hadith-là qu'il avait expliqué, alors on aurait dit que ce divorce était rejeté. Cependant, le hadith est venu avec une explication spécifique pour dire que non, il a eu lieu. Non. Pourquoi? Car une version dans le Bukhari qui dit qu'il a été compté comme un divorce. Hein? Lorsque Ibn Omar a divorcé cette femme-là, alors qu'elle était en période de menstrues, dans une version d'El Bukhari, il a été dit Husibat tatliqa, que ce divorce était considéré comme un divorce. Donc c'est-à-dire qu'après, il a droit à combien? Un deuxième pour la récupérer. Et s'il fait un troisième, celui-là c'est le dernier. Après, il ne peut plus la récupérer. Sauf si elle se met avec un autre homme qui lui-même la divorce. Comme vous connaissez. C'est encore un autre sujet. Ensuite, le shir dit وَاكَذَا بِعْ مَلَيْسَ عِنْدَكَ مَرْدُودِ. Comme le fait, par exemple, de vendre une chose que tu ne possèdes pas, comme cela est interdit. Hein, comme cela est interdit. Donc si demain tu vends une chose que tu ne possèdes pas, cette vente est rejetée. Cette vente est annulée. Elle n'a pas lieu. وَكَذَا لِكَ الْبُيُّ الْمُحَرَّمَ مَرْدُودَ. Comme le fait de vendre également des choses interdites. hein, des choses interdites, et bien la vente est considérée comme étant altérée, rejetée. Celle-ci n'a pas lieu. Elle n'est pas valable. Ou également, en cet exemple, Siyam Yom El-Aïd, le fait de jeûner le jour du Aïd. Ce jeûne-là aussi est rejeté. Hein? Même, on dirait que celui qui fait cela aura commis un péché. En connaissance de cause, bien sûr, l'ignorance est autre chose. L'ignorance, Inch'Allah, peut-être qu'il est pardonné. Mais celui qui le fait volontairement, son jeûne est rejeté. Donc cela revient à quoi? El nahi yaqtadi el fasad. Que l'interdiction implique quoi? L'altération. Non. Wa rabbama yakunu mardoudan wa al-amal sahih ma'a al-ithm. Ou il se peut également, voyez, il se peut également que l'action soit valide, cependant celui qui la commet aura commis un péché. Cela, à quel moment, en quelle situation, il va le dire le shir. مثل من يتوضا اربع مرات ويغسل يدي مثلا اربع مرات فوضوءه صحيح وهو آثم على بدعته اذا تعمدها. Comme par exemple celui qui ferait l'eau et qui laverait ses membres quatre fois. Normalement, on connaît que l'eau, c'est trois fois. Ça peut être deux fois ou une fois, chaque membre. Hein? Cependant, celui qui vient et qui fait tout quatre fois, volontairement, alors lui, l'eau qu'il a fait est accepté. Son eau, hein, l'eau qu'il aura fait sera valable. Cependant, il sera considéré comme étant désobéissant pour ce rajout à cause de sa bid'a. Car c'est une bid'a. L'eau, il a été défini comme étant trois fois maximum. La sunna est venue stipulant que le maximum de fois, c'est trois fois par membre. Et bien lui, il vient, fait non, je vais faire quatre fois moi. Pourquoi? Car Allah, il aime ça, l'odo, c'est une bonne chose, donc moi, j'en jette encore une quatrième fois. Et bien non. Lui, l'odo, qu'il aura fait, sera valide, cependant, il aura commis un péché. Et cela est une bid'a. Thumma yu'alam anna laysa kullu man waqa'a fil bid'ati yakunu mubtadi'an. Qad yakawa fiha sahwan. وقد يقع فيها جهلا وقد يقع فيها كرها فمثل هذا لا يقال مبتدع ولا بد من قيام الحجة على من حصل منه ما يخالف الشرع قبل الحكم على شخصه بما دل عليه الدليل من فسق أو بدعة أو كفر. Donc il dit quoi? Cependant, ce n'est pas toute personne qui tombe dans la bid'a, l'innovation, qui est considérée comme étant un mubtadi, innovateur, hein? Ou le kufr, pareillement. C'est pas toute personne qui tombe dans le kufr qui sont considérés comme un kafir. Ce n'est pas toute personne qui fait la mécréance qui est considérée comme étant un mécréant. Il faut qu'il y ait eu que l'argument, la preuve, lui ait été établi au préalable. Hein? Si l'argument lui a été établi et qu'il continue, là d'accord, il sera jugé comme étant un innovateur ou un mécréant ou ainsi de suite. Et comme nous l'avons dit déjà dans Naoqid de l'Islam, les actes annulatifs de l'Islam, cela revient aux gens de science. Ce jugement, hein, revient aux gens de science. Cependant, bien entendu, il y a des choses qui sont claires, hein, des choses qui sont claires, que celui qui tombe dedans aura un jugement qui lui sera établi immédiatement. Cependant, les sujets, on va dire, plus méticuleux, plus spécifiques, la base, hein, l'origine qui va revenir aux gens de science. Là, il prouve bien que ce n'est pas toute personne qui a fait une bid'a qui est mubtadi'a. Quelqu'un peut avoir fait une bid'a par erreur, par ijtihad, ou par inattention, ou ainsi de suite. Et que personne ne lui a démontré que son acte est une bid'a. Ou cela peut être également fait par le fait qu'il aurait rendu un hadith daïf, lui le voit qu'il est authentique. Donc ça va l'amener à quoi? À faire une action qui n'est pas légiférée. Lui, il a fait un ijtihad, il voit que le hadith dans tel sujet est authentique. Et d'autres savants ont démontré que le hadith n'est pas authentique. Et bien lui, il agit, il applique ce hadith. Ce qui peut l'amener à tomber quoi? Dans la bid'a. Est-ce qu'on va dire que c'est un mubtadi'? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il a fait un ijtihad de son niveau et qu'il voit que le hadith est authentique? Donc de là, ce n'est pas toute personne qui fait une bid'a qui est un mubtadi'. Il faut le conseiller, il faut démontrer. Et après cela, si la personne refuse, interroger les gens de science quant au jugement qui se rapporte à cette personne. Ainsi de suite. Non. Et pareil pour le kufr, le takfir. Hein? On ne rend pas les gens mécréants comme ça parce qu'il a fait du kufr immédiatement. Il faut expliquer à la personne, lui faire comprendre, ainsi de suite. Il y a des choses qui sont couf, directes. Hein, ça, c'est encore un autre sujet. Mais la base, c'est qu'il faut revenir au genre de science et établir l'argument à la personne. Ensuite, le shir cite une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit « وَمَنْ يُشَكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. » Et celui qui fait scission d'avec le messager après que la vérité lui était donnée et qu'il suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous nous délaisserons sur ce quoi il s'est détourné et nous le guiderons vers Jahannam, vers l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc là, cela montre quoi ? Hein ? Après que la vérité lui était déclarée, celui qui a su la vérité qui s'y est opposé, lui, un jugement sera mis sur lui. Hein, un jugement sera mis sur lui. Mais il s'agit là de quoi ? D'une règle générale. Après, comme on a dit, ça revient aux gens de science. Est-ce qu'il faut patienter sur lui ? Est-ce qu'il faut le conseiller ? Jusqu'à quand on patiente sur lui ? Et ainsi de suite. Non. Donc de là, le shir finit en disant les fawa'id, quelques fawa'id du hadith, quelque chose, enseignement utile du hadith. À mémoriser, à garder en tête. Fihi anna kulla bid'atin dalal. Que chaque bid'a est égarement. Wa la yakbaluhu Allah. Hein? Wa laysa fil bid'a ma huwa hasan. Et que Allah ne l'accepte pas et qu'il n'y a rien qui soit de bon, hasan dans la bid'a. Wa fihi wujub ittiba' rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana shurut qabul al-amal thalatha. Et dit quoi? Qu'il est obligatoire de suivre le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que les conditions d'acceptation des actes sont de trois. Donc là, le chien lui voit trois. Là, il parle de quoi ? De l'humain, de l'homme, ou du djinn, du mukallaf, hein, dans son, de façon générale. Premièrement, première condition, à l'islam. Il faut qu'il soit musulman. Pour que son œuvre soit acceptée auprès d'Allah, il faut qu'il soit musulman. Nous l'avons dit, déjà, hein, que l'Allah n'accepte pas des koufars. Même s'il fait des salawats, il en fait plein, plus que nous. Il fait du jeûne, et il fait le hajj. Tant qu'il n'accepte pas l'islam, qu'il n'entre pas en islam, son action ne sera pas acceptée. Également à l'ikhlas, la sincérité, qui veuille Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Et al-muta'ba'a, le suivi, hein, le suivi de l'enseignement prophétique. L'enseignement prophétique. Le qulillahi ta'ala, wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Et que s'ils avaient associé, que leur œuvre aurait été annulée. Hein, que leur œuvre aurait été annulée. Cela qui prouve que celui qui fait du shirk, son acte n'est pas accepté. Ou plutôt, même s'il avait été accepté, par la suite, s'il a fait du shirk par la suite, alors l'acte qui était accepté par la suite sera effacé. Waliyad al-Hadith, également comme preuve de ce hadith, de Aïcha. Fihi, ahammiyatul hazar min l'istihsan fi d-din. Le fait de prendre garde des assentiments en religion, le fait de voir une chose bonne de sa tête en religion. Hein, quelqu'un voit, par exemple, voit une chose, lui la juge comme étant bonne en religion, de sa tête. Il faut prendre garde à cela. Il n'y a pas de istirsen. En religion, c'est tawqifi, c'est par décret divin, pas par notre tête. Même si on voit la chose, elle est bien, il se peut qu'elle ne soit pas. On revient quoi au texte. Naam. Fihi an al-amal dakhil fi musamma al-iman. Fa idha lam yakbalhu Allah min sahibi, kana sahibu mu'ridan lil-'adhab. Donc il y a que l'œuvre, hein, est intégrée dans ce qui est appelé l'iman, la foi. Nous l'avons dit que l'œuvre fait partie de la foi. Et que Allah n'accepte pas de celui qui l'accomplit, et que celui qui commet, on va dire, une œuvre s'opposant à la législation, que lui, il est exposé au châtiment. Hein? Il est exposé au châtiment. وَفِهِ أَنَا الْأَمْرُ الْمَفْكُورُ فِي الْحَدِيثِ الْمَقْصُودُ بِهِ الدِّينِ. Et que également, la chose voulue dans ce hadith, l'innovation, c'est celle qui touche à la religion. وَفِهِ خَطَرْ الْبِدَعْ عَلَى الدِّينِ. Et également, le péril, hein, et le danger des innovations en religion. Donc de là s'achève le ders, qui est le hadith de Aïcha, qui est le cinquième. Hein? Inch'Allah wa ta'ala, mardi, nous espérons que s'il n'y a pas d'empêchement, nous poursuivons dans notre cours. Fabihadan aktafi, on a kul hamdulillah, rabbil alamin.